الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فالواصل بعون الله تبارك وتعالى في فضل رب البرية بشرح الدرر البرية بشرح فضيلة الشيخ أبي الحسن علي رمني حفظه الله تعالى وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا ويزيدنا علما إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. Toute la louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous le louons, nous le glorifions, nous lui demandons de nous pardonner pour nos péchés. Nous lui demandons la protection contre les méfaits de nos âmes. Et de nos mauvaises actions. Sachez que celui qui a la guide, personne ne peut l'égarer. Et celui qui a la égard, personne ne peut le guider. J'adresse qu'il n'y a point de divinité qui mérite l'adoration en toute vérité, ce n'est qu'Allah. Et j'adresse que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son prophète et son messager qu'il a envoyé à toute humanité et le dernier de ses prophètes. Par la permission d'Allah, nous continuons dans le livre Ad-Duraru Al-Bahiyya, qui est le livre de l'imam Shawkani, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et ce livre, c'est dans le thème, le sujet de la jurisprudence islamique. Donc, la semaine passée, dans le premier cours, nous avons vu l'introduction du Cheikh Ali Romli, hafizahullah ta'ala. Ensuite, nous avons vu la définition du fiqh. La définition du fiqh. Le fiqh, dans la charia, qui veut dire tout ce qui est venu du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit dans l'aqida, que ce soit dans les actions, dans les comportements, tout cela est nommé fiqhan, le fiqh dans la définition de la charia, de la législation islamique. Quant à la définition des usuliyin, des savants de usul, le fiqh, c'est de connaître les jugements liés aux actions à travers les preuves détaillées. C'est ce qui est le fiqh. Donc, chez les usuliyin, le fiqh ne rentre pas dans l'aqida. C'est-à-dire, l'aqida ne rentre pas dans le fiqh. Quant à chez les fuqaha, les savants de la jurisprudence, ils disent que le fiqh, c'est ma'rifat al-ahkam al-shar'iyya al-amaliyya. Connaître les jugements de la législation liés aux actions des adillatiha al-tafsiliya à travers ces preuves détaillées. Que cela soit par le istinbat, c'est-à-dire le fort dans le shihad, ou bien que cela soit par le taqlid qui est le suivisme. Alors chez eux, tout cela rentre dans le cœur. Ensuite, nous avons vu la tarjama de l'imam Shawkani. L'imam Shawkani, l'auteur du livre qui est Ad-Duraru Al-Bahiyya. Ensuite, nous avons vu la définition du mot Ad-Duraru. Ensuite, Al-Bahiyya. Ad-Duraru, le chef lui dit, c'est le diamant de Dura. Dura, c'est une perle. Wahiya Lulu Al-Azima Al-Kabira. C'est la perle qui est grande et aussi qui est belle. Al-Hasana, qui est belle. Ensuite, nous avons vu aussi la basmala, c'est-à-dire le début du livre. Le chef, il a commencé par la basmala. Éteignez le ventilateur. Il a commencé par la basmala. Le livre par la basmala, et nous avons vu que selon la sunna, et dans l'imitation du Coran, Il faut débuter avec la basmala en tout ce qui concerne l'écriture. Mais tout ce qui est parole, on débute avec la hamdala. Donc, nous nous sommes arrêtés sur la définition de Alhamdu. Le cheikh dit Alhamdu, As-sana'u al-mahmoudi bi jamil sifatih. C'est l'éloge sur celui qu'on loue en utilisant ses plus beaux, ses plus belles descriptions, wa fa'alihi et ses actions, ma'al mahabbati wa ta'zim, avec amour et respect. Wa yakunu hadha as-sana'. Cet éloge se fait bil qalbi wal lisan. Se fait sur la langue et dans le cœur. Par exemple, si tu dis Alhamdulillah, ce Hamd-là, quand tu dis Alhamdulillah, ça se fait sur la langue et puis dans le cœur. Et lorsque tu le fais pour éloger Allah en utilisant ses descriptions les plus parfaites et ses actions. Comme par exemple, tu trouves que Allah subhanahu wa ta'ala t'a fait une grâce. Il dit Alhamdulillah, il l'a dit hadana l'islam. La langue appartient à Allah qui nous a guidés vers l'islam. On ne pouvait pas être guidé si ce n'est que par la guidance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est ce qui veut dire Alhamdulillah. Ensuite, l'imam Shawkani, rahimahullah, il dit, wa ashkuru, je remercie, man arshadana ila tiba'i sunan, Sayyid al-Mursali. Je remercie celui qui nous a guidés vers le suivisme de la sunna du maître des messagers, qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le cheikh Ali Rami dit, hada shukru min al-muallif. Ce remerciement qui vient de l'auteur, rahimahullah, à la réponse miséricorde, fa'innahu, car il est, huwa, man waddaha, celui qui a clarifié, wa bayyana lana, et qui nous a éclairé, tariq al-Nabi, la voie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, wa amarana, et nous a ordonné, bittiba'ihi, de suivre sa voie. Wa la'ala al-mu'allifu, il se peut que l'auteur du livre, Yushiru Bidalika, veut indiquer par cela, il a un kitab al-fiqhi, que son livre est un livre qui est écrit dans le fiqh. Est-ce qu'on n'a pas dépassé cette partie? Hein? Puisque nous avons vu les différents madari. Ça va? Les différents madari. Donc, c'est la définition du choukr. Ça va? Donc, ici, il dit, wa choukru, a choukru ici, qui est le remerciement. Zuhuru atarun niyam. C'est l'apparition des traces de bienfait que Allah subhanahu wa ta'ala a fait, al nisari, sur la langue, wal qalbi, dans le cœur, wal jawari, et dans les actions. C'est-à-dire, Ashukuru makurunum bilamal. Le remerciement, quand il dit Ashukurullah, je remercie Allah, il faut que tu utilises tes membres et dans ton cœur pour faire l'action afin d'être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous allons vous donner l'exemple de cela. Bien, yakuna lisan muqirran bil ma'ruf, musniyan bi. La langue doit reconnaître le bienfait et doit éloger le bienfait. Wa yakunu al-qalbu, et le cœur doit être mu'tarifan bi ni'ma, doit reconnaître le bienfait. Wa takunu al-jawari, et les membres. Wa takunu al-jawari, et les membres musta'milatan ni'ma. Les membres utilisent le bienfait, c'est-à-dire travaille en conformément avec le bienfait fi ma yardahu al-mashkur, de ce qui agrée celui que tu remercies. Wa shukru lillah yakunu bidhalika kulli. Le remerciement d'Allah subhanahu wa ta'ala se fait avec tout cela. Fala Buddha, il est impératif, min sorti niyama, en détournant le bienfait à l'aide anam Allah bihari, qu'Allah t'a fait, fi ta'ati, en détournant cela dans ton adoration. Kay takunu shakiran, pour que tu sois reconnaissant. Qala ta'ala, alors le Prophète dit, i'malu, fais des actions, ala Daoud, ô famille de Daoud, shukra, afin d'être reconnaissant. Donc c'est ce qui montre que la reconnaissance est liée à quoi? À l'action. Ça va? Et Allah dit, wa qalilu min ibadiy ash-shakur. Et peu sont mes serviteurs qui sont reconnaissants. Qala al-Mughira ibn Shu'bah. Mughira ibn Shu'bah, il dit, qama Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hatta tawarrama al-qadamah. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est levé pour prier jusqu'à ce que ses pieds se sont enflés. Faqila lahu, il lui a été dit, ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Allah t'a pardonné tes péchés passés et tes péchés qui vont venir. Qu'est-ce qu'il a dit? Afala akunu abdan shakura. Ne voulez-vous pas que je sois un serviteur reconnaissant? Ici, c'est vrai que Allah subhanahu wa ta'ala lui a pardonné ses péchés, mais il fait toutes ses adorations, pourquoi? Pour être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Fashukru yakunu bil amal. Le remerciement se fait avec l'action. Kama yakunu bil lisan, comme ça se fait avec la langue, wal qalb et le cœur. Wa amma alhamdu, quant à la louange, fala yakunu bil amal. C'est pas avec l'action. Wa shukru, donc le remerciement à ammu est plus général min hadha alwajh, de ce côté-là. C'est-à-dire, le remerciement est relié à l'action. Mais le hamd, la louange, c'est-à-dire louer Allah subhanahu wa ta'ala, n'est pas relié à l'action. Est-ce que vous comprenez? Walhamdu, le hamd yakunu min ghayri sabqi ihsan. Elle est faite sans que un bien ne soit précédé. C'est ce qui est alhamd. Même si Allah subhanahu wa ta'ala ne t'a pas fait un bien, tu es reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Ça va? Bahabuka Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith, qu'il y a un vrai muslim, qui dit, ajaban li amri al-mu'min. C'est étonnant, le cas du Coran. In asabahu sarra, si le bien l'atteint, dans une voie, il dit, hamid Allah, au shakra. Il est reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala, ou in asabahu darra, si un mal l'atteint aussi, il est reconnaissant. Pourquoi? Parce que min ghayri sabqi al-amal. Sans que cela ne soit précédé, sabqi al-khayr. Sans que cela ne soit précédé par un bien que celui que tu le loues t'a fait. Donc, awma al-ihsan, ou bien, c'est suivi du bienfait. Amma shukru, quant au remerciement. فَلَا يَكُونُ إِلَّا عَلَى الْإِحْسَانِ. Cela ne se fait que s'il y a un bienfait. فَالْحَمْدُ, alors la louange ici, أَعَمُّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ, est plus général de ce côté-là. قَالَ الْمُعَلِّفُ رَحِيمَ اللَّهِ. L'auteur du livre, il dit, car il fasse miséricorde, وَأُصَلِّي وَأُسَلِّمُ. Je usalli, je prie, wa usallim, et je demande la paix d'Allah à la Rasoul, sur le messager Al-Amin, qui est digne de confiance, wa alihi tahirina, et sa famille pieuse, wa ashabihi al-akramin, et ses compagnons qui sont nobles. Alors ici, il dit, wa usalli wa usallim. Je prie et je demande la paix d'Allah. Ay as'alullah. C'est-à-dire, je demande à Allah أن يسلم على سيدنا محمد كل لنف تسلطاتيون أن يصلي. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il lance sa salutation et sa paix sur notre maître qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa salatu Allahi ala nabiyyi, et la prière d'Allah sur son prophète, le son de cela, c'est sana'uhu, c'est l'éloge alayhi, sur lui, inda al mala'ikati al muqarrabin, auprès des anges. Faites rentrer tous les enfants. Sur la prière d'Allah sur son prophète, c'est son éloge sur son prophète auprès de ses anges proches, comme qala Abu Ali, comme l'imam Abu Ali il a dit cela. Wassalam, assalam ay yusallimuhu, yani Allah le préserve min al-afat, des maladies, wa al-naqa'is, et des diminutions. Wa alihi al-tahirin, et sa famille pure et pieuse. Al-al, la famille ici, idha zukiru min ghayr zikr al-ashab ma'ahum. Si la famille a été mentionnée, sans mentionner les ashab, parce que souvent on dit, والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله أجمعين. Si les ashab n'ont pas été mentionnés ici, dans les Ali, les ashab rentrent dedans. Mais si les ashab ont été mentionnés, c'est-à-dire les compagnons ont été mentionnés, وعلى آله وصحبه أو وأصحابه, dans la famille veut dire spécifiquement la famille du prophète صلى الله عليه وسلم, sa famille qui ont cru en lui. Ça va? Ce n'est pas toute sa famille, mais ceux qui ont cru en lui. C'est-à-dire la grande famille, tous ceux qui ont cru en lui. Mais ceux qui n'ont pas cru en lui, tels que Abu Jahl, tels que Abu Talib, ceux-là, ils n'en sont pas partis. Mafoum? Donc ici, voilà pourquoi il dit Fal Maqsoud. Si le Ali a été mentionné, min ghayr dhikr al-ashab, sans que les compagnons ne soient mentionnés avec eux, فالمقصود فالمقصود le but, ce sont ses suiveurs à la dini, sur sa religion, min qarabati wa ghayrihim, parmi ses proches et autres que cela, c'est-à-dire si les ashab n'ont pas été mentionnés. Amma idha zukira al ashab ma'hum, mais si les ashab ont été mentionnés avec eux, فالمقصود, ce qui est voulu, أتباعه, ce sont ses suiveurs, ce qui est voulu ici, كما فعل المؤلف, فالمقصود قرابته المؤمنون منه, ce sont ses proches qui ont cru parmi eux. فالآل تأتي بمعنى الأتباع, le mot آل, ça vient dans le sens des suiveurs. Et aussi, ça vient dans le sens de la famille. Comme par exemple, il dit, wa ala ali. Yani, ses suiveurs. Wa ala ali, sa famille. Ça va? Wa al mu'allif, l'auteur du livre, qui est l'imam Shawkani, sallallahu wa sallam. Il a salué et il a demandé la paix d'Allah, ala nabi. Sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, imtisalan li qawlillahi tabaraka wa ta'ala, en mettant en pratique la parole d'Allah qui dit inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, Allah et ses anges prient sur son messager, c'est-à-dire sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quelle est la prière d'Allah et de ses anges sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Sana'uhu عند الملائكة المقربين. C'est l'éloge. La prière ici, c'est l'éloge d'Allah sur son prophète auprès des anges. إن الله وملائكته يصلون على النبي. Dans ce moment, il dit يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه Wasallimu taslima. Priez sur lui et demandez la paix d'Allah sur lui, ô vous les croyants. Surtout le jour du vendredi. Aktibu dhalik. Multipliez cela. Demain, vendredi. Multipliez la prière d'Allah sur son messager. Il n'y a pas de sira mu'ayyan. Il n'y a pas une sira qui est spécifique. C'est-à-dire une formule qui est spécifique. Tu peux prier sur lui. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad. Il t'arrête à celui-là. اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه عفوا صلاة إبراهيمية اللهم صل على محمد وعلى آله محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم ainsi de suite. Tu peux multiplier ces prières-là sur le prophète صلى الله عليه وسلم car vos prières sur le messager d'Allah lui sont exposées dans sa tombe. On lui montre cela. Donc priez beaucoup sur le messager d'Allah le jour du vendredi. Et c'est ça là, en exécutant, en mettant en pratique quoi? La parole d'Allah qui dit « Ya yuwalladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima » Wa qad sallam nabi sallallahu alayhi wa sallam nafsi. Sachez que le messager d'Allah a prié sur lui-même. Wa alihi et sur sa famille, khina allamana as-salat alayhi. Lorsqu'il nous a enseigné la prière sur lui. Ça va? Wa salatul malaika, la prière des anges, wa l'ibad et des serviteurs, ala nabi sallallahu alayhi wa sallam, sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ad-du'a, c'est l'invocation lahu qu'ils font pour lui, de rahma. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Donc, ils font la doua de miséricorde sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ici, voilà la prière que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam enseigne à ses compagnons. Parmi ces prières, il y a la salat al-Ibrahim. Tous les siyas, toutes les formules de prière sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sont connues. Il a enseigné cela à ses compagnons. Alors, parmi les égarements, je le vois que certaines personnes viennent maintenant, 1000 ans, 1300 ans, 1200 ans, après le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, après que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ait enseigné la formule légiférée à ses compagnons, et cette personne vient, ils disent que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur a donné une prière qui est salat al-fajr. Que lorsque tu le fais, une seule fois, ta'adilu, akta, mais, qira'atil Qur'an, 70 marra. Et dès lors que tu lis cette salat al-Fati, qui a été apportée par Ahmed Tijan, et dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu le voir en état de veille. C'est-à-dire, il ne dormait pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu le voir pendant que il ne dormait pas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné cette prière, et lui a dit, que si tu lis cette prière, cela équivaut, ou bien est meilleur que le fait de lire le Coran plus de 70 fois. Voilà, dalal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a enseigné la salat. Mais si tu dis cela, après 1000 et quelques années, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu t'enseigner une prière que Abu Bakr n'a pas connue. Omar, Othman, Ali, tous les compagnons, même sa femme, sa femme n'a pas connu. Tous ses compagnons n'ont pas connu. Il aurait fallu que 1000 et quelques années après, qu'ils viennent enseigner à quelqu'un au Maroc. Et qu'ils disent que la récitation de cette prière de Surat al-Fati est mieux que la récitation du Coran plus de 70 fois. Est-ce que c'est vrai? Ce n'est pas une réalité. Et ce n'est pas vrai. C'est un égarement. N'est-ce pas? Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Ensuite, l'auteur du livre dit Kitab al-Tahar. On va rentrer maintenant dans le livre de la purification. La purification ici, c'est tout ce qui et purification dont on a besoin pour s'arrêter pour prier. C'est-à-dire, on finit de faire toutes ces purifications avant de prier. Ça va? Parce que on ne rentre pas dans la prière sans être purifié. Donc, le chapitre, le grand chapitre de la purification que nous allons voir ici, on va d'abord parler sur Almiya, les eaux. N'est-ce pas? On se purifie avec quoi? L'eau d'abord. Donc, on doit savoir quelle est l'eau qui est propre et l'eau qui n'est pas propre. N'est-ce pas? Selon la charia. Ensuite, maintenant, on va rentrer dans les autres purifications. Ça va? Donc ici, même, le chef, il va nous dire le sens de kitab. C'est-à-dire, kitab ou tahara. Kitab, qu'est-ce que ça veut dire? Kitab, c'est masdar. Masdar, c'est un nom qui découle d'un verbe. Ça va? Tel qu'on dit, kataba, yaktubu, kitab. Il écrit, hein, il a écrit, et kitab, le livre, ça vient de écrit. N'est-ce pas? Yukalu, on dit, kataba, yaktubu, kitabatan. Il écrit, hein, un kitab. Wa kitaban. Madatu kutu. La matière même du mot kataba. Kataba, dans la langue arabe, ça doulou à la djembe. Ça montre l'assemblage. Assemblée. Ça va? Ou bien wadammu, l'ajout. Ça va? Les alikas, c'est pour cela, soumiyat a été nommé katibatul jesh katiba. Katibatul jesh, c'est-à-dire un démembrement de l'armée. Un groupe de personnes qu'on démembre de l'armée, on appelle ça katiba. Comme par exemple, dans l'armée, nous avons beaucoup de démembrements ici. On a dans l'armée, la gendarmerie, les policiers, et puis les militaires. Tout ça, ça constitue l'armée. Donc, les démembrements qu'on appelle katiba dans la langue arabe, ça veut dire un groupe de personnes rassemblées. Ça va? C'est ce qu'on appelle Al-Katiba. Voilà pourquoi on dit Katiba tul Jaysh. Li anna hakar tajima'u. Elle rassemble. Wa tadoumu. Et s'ajoute. Majmu'atan. Un groupe min afrad al Jaysh. Parmi les particuliers de l'armée. Wa sa'amal al ulama. Les savants ont utilisé. Zalika fima. Cela. Kitab, dans ce que Yajima'u rassemble, Ashia en les choses, min al-abwab wal fusul al-jami al-masai. Comme par exemple, les chapitres, les sous-chapitres qui rassemblent les sujets. Voilà pourquoi il dit Kitab. Kitab, c'est comme le grand chapitre. Après le grand chapitre, il y a le bab. Après le bab, il y a le fasl. Ça va? Il y a le bab qui est le sous-chapitre. Après le sous-chapitre, il y a le fasl. Ça va? Donc, ici, wal jam'u wal dam, rassembler et ajouter, fihi hasilun. En cela, c'est de là on obtient, on rassemble sur quoi? Al-huruf, les mots, wal kalimat, les lettres, wal kalimat, les mots, al-ma'ani, si des sens. والمراد هنا من حيث المعنى. Ce qui est voulu ici de du sens, c'est jam'un wa dam. C'est rassembler et ajouter, c'est-à-dire mettre ensemble al-abwab, les chapitres, wal-masa'il et les sujets al-muta'alliqat bi-tahara, qui sont liés à la purification. C'est-à-dire on rassemble les chapitres et les sujets qui concerne la purification. Donc quand il dit kitab, c'est-à-dire tout ce qui concerne la purification, il va parler de cela. C'est-à-dire l'eau, il va parler après de des eaux qui sont autorisées, c'est-à-dire comme par exemple sour, al-kel, ou sour, al-qit, c'est-à-dire lorsque le chat boit de l'eau, et que ça reste. Est-ce qu'on peut prendre les ablutions alors qu'on ne peut pas? Il va parler de toutes ces choses-là concernant l'eau. Ça va? Donc, le kitab ici, ça rassemble tout ce qui est purification. Wa ta'riful kitab, la définition du mot kitab, istilahan, dans le jargon. Huwa, c'est ismun, un nom, li jumlatin mukhtassa, d'un instant spécifique, min al-ilm, de science, mushtamilatun qui rassemble ici, à la abwabin, sur des chapitres, wa fusul, et les sous-chapitres du Ghaliban, de façon générale. Donc voici la définition du mot kitab. C'est très important de connaître cela. Pour celui qui veut lire un livre, même en français, il y a le chapitre. Et puis il y a les sous-chapitres. N'est-ce pas? Mais si le livre même n'a pas été classé comme ça, par chapitre, par sous-chapitre, alors celui qui lit le livre, il va se lasser. N'est-ce pas? Mais si c'est par chapitre, on met tel chapitre, purification. Donc dès qu'on finit la purification, il y a chapitre de la prière, ainsi de suite. Ça va? Quant au mot tahar, le mot tahar, falloubatan, dans la langue arabe, ça veut dire an-nazafa. Nazafa, c'est la propreté. Watanazuhi, et aussi de se nettoyer anil andati. Des souillures, voyez al-awsar, awsari, ce sont les malpropriétés. Wa bisharari, dans la législation, toute la cour, le sens est libéré à la ma'anayen, sur deux sens. Al-awwal, lorsqu'on parle de tohara, première tohara, c'est qal. C'est la purification du cœur. N'est-ce pas? Mina shirki, c'est l'ibada. Dans purifier son cœur de l'associationnisme dans l'adoration. Wal-ghil, ainsi que la rancœur. Wal-baghdha, et la haine, li'ibadillahi al-mu'minin, pour les serviteurs d'Allah croyant. Wa hadhi min mabahith al-i'tiqad. Voici, ça c'est le sujet de l'aqid. Wal-ma'na al-thani, le deuxième sens de la purification, ou al-muraduna, c'est ce qui est voulu ici. C'est quoi? Raf'ul hadath, c'est le lever d'impureté. Aou, ou bien izalatu, ou bien enlever an-najasa, les souillures. Ça va? Ou bien la souillure. Donc ici, al-hadath, retenez bien ce mot-là. Al-hadath, lorsqu'on dit al-hadath, c'est le fiqh. Ça veut dire toute impureté qui est liée aux ablutions et au grand lavage. Ce n'est pas les impuretés qui salissent le corps de la personne. Vous comprenez? Par exemple, quand tu vas uriner, on dit tu es impur. Mais est-ce que ça montre que ton corps est sale? Là. Mais c'est l'impureté qui est liée à l'ablution. Et rien ne peut lever cette impureté si ce n'est que l'ablution. Par exemple, si tu vas uriner, en ce moment, tu n'as plus d'ablution, n'est-ce pas? Tu dois refaire les ablutions de façon spécifique pour ramener cette propriété, n'est-ce pas? Mais si tu vas te laver, tu vas uriner et puis tu dis, bon, je me lave complètement. Est-ce que, ici, tu as levé le hadath, l'impureté? Tu n'as pas levé. Wa izalatu najasa, c'est enlever la malpropreté, c'est-à-dire tout ce qui concerne le corps, hein, l'endroit, ça va, tout ce qui est souillé. Ça veut dire, si tu dois prier, tu dois prendre en compte ces deux choses. Raful hadasi wa izalatu najasa. Par exemple, si tu pries dans un coin qui est sale, la prière n'est pas valable. Ça va? Si tu pries avec un vêtement qui est sale, est-ce que ta prière est valable? Là, ce n'est pas valable. Je vais dire par exemple, si un enfant urine, Hein? Un enfant qui mange déjà. Par exemple, un enfant de 5 ans, 6 ans, 7 ans, qui mange déjà du urine. Est-ce que tu dois prier comme ça avec le vêtement, mais tu dois chercher à nettoyer? Hein? Tu dois chercher à nettoyer, mais si tu pries avec elle, c'est ta prière, voilà. Là. Donc c'est ce qui est al-najasa. C'est très important. Ou bien, ma'fimanaha, dans ce qui rentre dans son sens. Ici, al-hadas, huwa. Le hadas, c'est quoi? Malou jibul wudu au rus. Ce qui rend l'ablution obligatoire ou bien le lavage. Famalou jibul wudu, ce qui rend l'ablution obligatoire, yusamma al-hadas. On appelle cela al-hadas. Al-asghar. Là, l'impureté mineure. Ça va? Kakhuru du riz. Comme par exemple la sortie du vent. Al-qada il-haja. Ou bien faire ses besoins. Amma, maloujibul ghusl, quant à ce qui rend obligatoire le grand lavage, fayusamma, on appelle cela al-hadas al-akbar, l'impureté majeure. Comme par exemple, la janaba. Ça va? La janaba. Wa qad saha, et cela a été authentifié en Ubaydat al-Salmani. C'est un tabi'i. Annahu su'ila, qu'il a été questionné. Maloujibul wudu, qu'est-ce qui rend l'ablution obligatoire? Qala al-hadas. C'est l'impureté ay al-asra. L'impureté mineure. Ça va? Ensuite, wa najasa. Le mot najasa, fil lugha, dans la langue arabe, c'est al-qadar. Al-qadar, c'est la saleté. Hein? Tout ce qui est saleté. Fil shar'i, dans la législation, kullu aynin, écoutez très bien, toute entité, yajibu tatahuru minha, donc on doit se purifier pour enlever sur nous, kalbawli, comme l'urine, walbazar, hein, walbaraz, ou bien la selle. C'est ce qu'on appelle an-najasa. C'est-à-dire sur l'urine, et sur ton habit, tu dois laver ton habit. Si la selle se trouve sur ton habit, tu dois laver. Si ton tapis, tu dois laver. Ainsi de suite. Donc, pour le haïlin, toute entité, parce que l'urine, c'est une entité, on la voit. N'est-ce pas? Hein? Al-baraz, c'est quelque chose qu'on voit. Ammal hadas, le hadas, qui est l'impureté liée aux ablutions. Quand tu finis d'uriner et tu viens, est-ce qu'on voit cette impureté sur toi? Donc, qu'est-ce que tu fais pour lever cette impureté? C'est la ablution. Ça va? Non. Wa qawluna, la parole de Cheikh Shawkani, ou si manaha, ou bien dans ce qui est dans son sens, afin, ma parole, ou ce qui est dans son sens, katajid al-wudu, comme le fait de renouveler les ablutions. Ça va? Renouveler les ablutions, est-ce que ça lève une impureté? Ça lève? Je suis déjà en ablution, je renouvelle l'ablution. Est-ce que ça lève une impureté? Ça lève quoi? Ça va? Fa'inahu yusamma tahara, mais on appelle cela purification. Ma'annahu, malgré que les tarafian, ça ne lève pas une impureté. Les hadas, voilà muzilan, et ça n'enlève pas les najasa, une malpropriété. Wa najasatu, écoutez bien cela, le najasa, ce qui est la saleté, imma ayniya. Soit, c'est la chose elle-même, l'entité de cette chose-là elle-même qui est malpropre, aynu shay, najis. C'est-à-dire, c'est cette chose elle-même qui est sale, celle qui est al-baraz. Al-baraz, la selle, comme on appelle l'excrément. Ça va? Est-ce qu'on peut purifier l'excrément? Hein? Tu viens, tu déposes l'excrément. Pour ceux qui ne comprennent pas, c'est le caca. Ça va? Tu déposes et puis tu dis, bon, je vais purifier. Mungkin? C'est possible? C'est pas possible. Ça va? Donc, en najasa, là, ce qui est sale, imma ayniya, soit c'est la chose elle-même qui est sale en elle-même, ou bien, imma, comme il va le dire, hukmiya. Mais ici, il va dire ayniya. Haynu shay najisa. La chose elle-même est sale, kalbaraz, comme la selle. Yani wa nafsuhu najis. C'est-à-dire, la chose elle-même est sale. Ou bien, maintenant, c'est selon le jugement que la chose est sale. Ça va? Selon le jugement. Pas la chose elle-même. Kalbaouli. Comme l'urine, izawaka al-astawa. Si elle tombe sur la vie. Ça va? Si l'urine tombe sur la vie, elle nous a montré que la vie elle-même, elle est sale. Non? Mais c'est l'urine. Le fait que l'urine soit sur la vie, ça empêche de prier. Sinon, si l'urine est là, on peut mettre parfum. Et puis l'odeur, ça va dégager. Mais est-ce qu'on peut prier avec? Là, on ne peut pas prier avec. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est-à-dire, soit c'est la chose elle-même qui est sale, ou bien, c'est le jugement. C'est-à-dire, c'est une malpropreté qui est tombée sur cette chose-là qu'on peut enlever. Ça va? Donc, le jugement maintenant, Faïna Saou, la vie, Yur Kamoale, on juge pour dire Anaou Najis, que la vie est sale, ni Wokou et Baou, si l'urine tombe sur la vie. N'est-ce pas? Là, les Anaou Wanafou Najis, pas parce que la vie elle-même, elle est sale. N'est-ce pas? C'est-à-dire, si on purifie la vie, la saleté quitte. Donc, ça, c'est Hokmiya. Mais, Aïniya, cette chose-là, ce n'est pas possible. Il a des Istihar. Sauf par le fait de changer cette chose-là, comme on va le voir. Voilà, il y a l'impureté, Aïni, c'est-à-dire la chose elle-même, elle est sale. Hein? On tatouvo, on la purifie, bil istihala, par le fait de transformer cette chose-là. Bi an tatahawwal, par le fait que tu le transformes, min shay'in la shay'in akhar, d'une chose à une autre. Ka'an, comme par exemple, yatahawwal al-khinzir. On change le porc et la mine au sel. Par exemple, si tu mets le porc dans le sel, après un long temps, tout devient du sel. Dans ce moment, il devient maintenant pur. Est-ce qu'on l'appelle porc? On l'appelle sel. Est-ce que vous comprenez? Je reviens. Le but c'est de comprendre. Hein? Si le porc Aïniya, elle est impure. Est-ce qu'on peut purifier le porc? Hein? On peut laver le porc pour dire à partir d'aujourd'hui c'est pur. On peut manger maintenant. Hein? Le porc. Hein? Est-ce qu'on peut laver pour dire on va purifier? Mais lui, sa purification, c'est fait lorsqu'on la transforme. Parce que lorsqu'on la transforme, ça ne devient plus le porc. Si on transforme le porc dans du sel, c'est-à-dire, on met le porc dans une grande quantité de sel, pendant un long temps, elle va commencer à se transformer jusqu'à devenir comme le sel. En ce moment, maintenant, elle n'est plus du porc, mais elle est du sel. Et lui, j'ai vu. Hein? C'est-à-dire? Mais pourtant, les savants ont traité cette masala depuis des années. Mais aujourd'hui, depuis des années, les mazars, ils avaient plus de 1000 ans. Ils ont parlé de cela. Mais ce qui est étonnant aujourd'hui, c'est que la science trouve cela. Ça va? Non, ça montre que c'est quelque chose qui est précisable. Ou bien, je vous donne un exemple. Si tu déposes le caca dans du sable, ça devient du sable. Ça devient sable fume. Et on peut même faire chayam moum dessus. Hein? Là, on est sahane. Comprenez bien la masala. Est-ce que vous avez bien compris? C'est-à-dire, Al-Najafatu Aïniya, l'impureté Aïni, c'est-à-dire la chose elle-même est impure, on ne peut pas laver pour purifier cette chose-là. Sauf par la transformation. Est-ce que vous comprenez? Sauf par la transformation. Comme par exemple, on transforme le porc en sel. Hein? Mais le hokmiya, l'impureté hokmiya, c'est-à-dire la chose qui tombe sur le vêtement ou quelque chose comme ça, on le purifie en enlevant l'impureté. Une anecdote, moi-même cette masala m'a fatigué au début. Hein? J'ai fait des jours, je lis, je reviens, je lis, je ne comprends pas. C'est quand maintenant j'ai posé la question au cheikh, l'auteur du livre. Je lui ai posé la question et il m'a expliqué en détail. Et je suis revenu sur la Aqwal al-Madani et puis j'ai compris. Ça va? Mokhtar, t'as compris? C'est la facilité. Donc, هذا معنى كتاب الطهارة. Voilà le sens de kitab الطهارة. فإن المصنف l'auteur du livre قد جمع في هذا المبحث il a rassemblé dans ses recherches كل ما يتعلق بالطهارة. Tout ce qui est en liaison avec la purification من المسائل الفقهية parmi les sujets de fil التي صح دليلها dont les dalils sont authentiques. وَبَلَا الْمُؤَلِّفِ L'auteur du livre, رَحِمَهُ اللَّهِ il a commencé du kitab al-Tahara avec le chapitre de la purification. Parce que dans ce livre, nous allons parler de tous les sujets concernant l'action, même le commerce, nous allons traiter, même la riba, nous allons traiter, même le mariage, nous allons traiter, le hajj, la zakat, comment ça doit se faire, la zakat des graines, la zakat sur le bénéfice du commerce, la zakat, sur les bestiaux, nous allons voir tout cela. Mais il dit, l'auteur du livre ici, il a commencé le livre avec le chapitre de la purification. N'est-ce pas? Kakazir minal ulama, comme beaucoup parmi les savants, ils ont commencé par le chapitre de la purification, alladhina allafu fil fiqh, ceux qui ont écrit dans le fiqh, dans la jurisprudence. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال المساجد الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خير الإسلام consiste en 5 choses شهادة لا إله إلا الله لا شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا accomplissement de la prière وإيتاء الزكاة le fait de donner la zakat وصيام رمضان le fait de jeûner le mois de رمضان الحج n'est-ce pas فبدأ بالتوحيد il a commencé ici par quoi le tawhid voilà et le chef il dit quand afrodite j'ai spécifié là où nous en n'a pas ton khas vous n'êtes pas convaincu mais pourquoi ça tu viens commencer avec fiqh alors que le professeur a commencé avec tawhid donc il dit directement il dit je vais faire des livres spécifiques sur le tawhid n'est-ce pas summa salat ensuite la prière voilà ma kanat salat. Lorsqu'on voit que la prière ne peut être là, ça c'est, ne peut être correcte, il l'a dit Torah. Que par la purification, donc yajibu, il est obligatoire, tahqiq Torah, de concrétiser ici la purification, comme le dukhul fi salah, avant de rentrer dans la prière. Bada al-fuqaha, c'est pour cela que les savants de la jurisprudence ont commencé du tohara, avec la purification seulement, à salat. Et donc, comment ils ont fait? Ensuite, la prière. N'est-ce pas? Summa zakat. Ensuite, la zakat. Summa bil hajj. Et ensuite, ils ont parlé de hajj. C'est-à-dire, aïe bil aham mi fal muhim. Ils ont commencé par le plus important ou à ce qui est important. Al aham, c'est ce qui est le plus important. Wal muhim, ce qui vient après le plus important. Aou bima la yasihu al muhim illa bihi. Ou bien, Ils ont commencé avec ce que dont le plus important ne peut être correct qu'avec, qui est la purification. N'est-ce pas? Ensuite, قال المؤلف, l'auteur du livre dit, bab, sous-chapitre. Il avait dit, kitab. Ensuite, il vient dans, bab. Al-babu. Hein? Bab, vous savez du quoi? Faut pas me dire porte, hein? Hein? Porte, ça, c'est dans notre langage. Hein? Mais si tu vois dans un livre, bab, faut pas t'asseoir devant les gens pour dire porte. Hein? Bab, lughatan. Dans la langue arabe, huwa tariqu ila shay. C'est la voie qui mène vers quelque chose. Wal mutilu ilay. C'est la voie qui permet de parvenir à cette chose-là. Si tu veux rentrer dans la chambre, tu passes par où? La porte. Si tu veux rentrer au salon, tu passes par où? La porte. Ça va? Wa babu al masjid, la porte de la mosquée, wa babu dar, la porte de la cour. Ça va, dar, c'est la cour. Ma yudkhalu minhu, c'est ce par laquelle, on rentre, il est, il faut aller vers cette chose-là. Wa fil istila, dans le jargon, dar, ça veut dire quoi? Ismun, c'est un nom, le jumlatin. Un nom qui montre un ensemble, mokhtasatin, spécifique, min al-kitab, du livre. Yani, du grand chapitre. Wa yakunu bayna masa'il al-bab. Et il y a, entre les sujets du chapitre, irtibat, il y a une liaison à khassu. Plus spécifique, min irtibatiha, plus que cette liaison du masa'il al-tahar. Plus que les sujets de Torah. C'est-à-dire, quand on dit Bab, Keza, le sujet dont on va traiter est plus spécifique à cela, plus que la généralité de Torah. Ça va? Vous comprenez? Wahad al-Bab, ce chapitre, Al-Ladhi, Sayabda bihil mu'allif, par laquelle l'auteur du livre va commencer, Wababu fukmulmiya. C'est le chapitre qui parle du jugement des eaux. Tout ce qui est eau. Qala rahimahullah. Et il dit, qu'Allah lui fasse miséricorde, hazal babu. Ici, je vois dans ma nusqa, j'ai mis hazal babun. Ici, c'est une erreur de frappe. Normalement, c'est hazal babu. Parce que si le alif wa lam rend, il n'y a plus de tanwin. Si le tanwin est là, il n'y a plus de Alif wa lam. Donc ce chapitre, ce sous-chapitre Kodishama al-Masa'il comporte des sujets. Al-Masa'il, ça veut dire quoi? Alors comme tu viens, tu dis, j'ai une Mas'ala. Aujourd'hui, tu vas connaître le sens de Mas'ala. Jamu Mas'ala. Masa'il, c'est le pluriel de Mas'ala minas-su'al. Ça vient des questions. Ça va? Wahiya al-Maslubu, c'est ce qui est demandé. Alléni yomtaju isbatuhu. Donc on a besoin de son affirmation. On a besoin de quoi? Il a burhani. Un argument. Wadali, une preuve. C'est la question du dîme. Donc on a besoin de preuves et d'arguments pour affirmer. Ça va? Qala rahimahullah al-oula. Le texte du livre dit premièrement, Aïd al-Mas'alatul Oula, le premier sujet, min Mas'alil Had al-Bab, parmi les sujets de ce sous-chapitre, c'est Qala al-Ma'u Tahirun Mutahir. Non. Voici le premier sujet dans le chapitre de la purification. Il dit l'eau est pure et purifiante. L'eau est pure et purifiante. C'est-à-dire l'eau elle-même est pure et l'eau est purifiante. Demande on utilise l'eau pour se purifier. Al-Murad bil ma'una, ce qui est voulu par l'eau ici, al-ma'ul mutlaq, l'eau de façon générale. Wama ul mutlaq, le de façon globale, ou amakafa fi ta'rif ism al ma. C'est ce qui suffit comme définition le nom de l'eau. Aïe, c'est-à-dire, alladhi yudaf, ce qu'on ajoute, il achète, si quelque chose. Falaysa ma'un wib masalan. Ce n'est pas l'eau de source, par exemple. Falma ulladhi lam yudif il achète, c'est l'eau dont rien n'a été ajouté dessus, yusamma ma'un mutlaq. Elle est nommée l'eau de façon générale, min ghayr idafati shay'in akhar ilayh, sans que rien ne soit ajouté à cette eau-là. Kalma ou nerd, comme l'eau qui descend. Ça va? Alors si on prend l'eau, mal oui, l'eau de source, ou bien l'eau du marécage, ça va? Quand cette eau finit ou même cette eau diminue, il y a l'eau qui vient s'ajouter dessus. Est-ce que c'est ce qu'on appelle l'eau? Non, c'est de façon globale. Tout ce qui est eau, ça va? Hada ma'ul mutlaq. Comme par exemple, al ma'ul nazil min as-sama. L'eau qui est descendue des cieux. Ou bien l'eau qui sort min al-ard, de la terre. Ou miyahul anhar. Ou bien les eaux des rivières. Ça va? Tout cela rentre dans l'eau de façon générale. Wal ma'ul tahir. L'eau est pure. Aïlé sabinadi. L'eau n'est pas impur. Wa mutahhir et purifiant ay mujizu. L'eau suffit fi taharati shar'iyya. Dans la purification de la législation, min rafi hadath enlevant l'impureté liée aux ablutions, ou izalat najas, ou bien en enlevant l'impureté liée au corps et à l'endroit où aux habits. Wa ghayriha kal aghsal al manduba. Comme par exemple les lavages qui sont préférants. Donc tout ça rentre dedans. Falaka, il t'incombe en tatatahabi. Si tu dois te purifier avec Watatawabdabi et tu prends les ablutions avec Kamakala alayhi salam. Comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, les mar'a a une femme, ina sahalat umu, ansaubiha alayhi asaba adam hay. Lorsque lui a posé la question au sujet de son nabi qui a été touché par le sang du menstrué. Kala waqrisi. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, asserge cela bilma, avec de l'eau. Aï nafzifihi bilma. C'est-à-dire, purifie cela avec de l'eau. Ça va? Purifie cela avec de l'eau. Kaqawlihi. Comme ta parole qui montre les sahaba, hina ba'al al-arabi fil masjid. Lorsque le bédouin a pissé dans la mosquée. Qu'est-ce qu'il a dit? Ahriqi, ahriqu, ahriqu alayhi, zanouban. Il dit, versez dessus un seau, minma, d'eau. On peut dire seau, on peut dire jarre, tout ce qui est récipient, un gros récipient. Ça va? Wa asbu zalika qawlullahi ta'ala. La base de cela, c'est la parole d'Allah. Wa anzalna min as-sama'i ma'an. Tahura. On a fait descendre. Allah dit, nous avons fait descendre des cieux l'eau. L'eau pure. Ça va? Comme par exemple, un jour on était au Dar. Et la Tarada arrive. Il y a quelqu'un qui s'est opposé à ce verset-là. Et il est le professeur de physique. Et il dit que dans ce qu'ils ont étudié dans la physique, lorsque l'eau descend des cieux, c'est-à-dire la pluie, il y a souvent l'eau qui descend des cieux qui est d'acide. Ça va? Qui est d'acide. C'était la première fois que moi j'entendais. Parce que nous, si on a étudié un peu, mais j'ai jamais vu ça. Et dit donc, on ne peut pas dire que tout est pur. Voilà pourquoi lui-même, quand il pleut comme ça, il ne conseille pas à ses enfants d'aller directement prendre l'eau depuis. Et il y en a de pluie. Non, lui a dit. Allah dit dans le Coran, wa anzalna min as-sama'i ma'an. Si tu n'es pas d'accord, dépose ta raison physique que tu as étudiée là à côté. Et il faut comprendre le texte. C'est tout. Ça va? C'est là qu'il y a dit. Ou bien, Wanzana Minasama Iman, vous avez vos sciences là. Hein? Vos sciences même n'est pas forcément exacte ce que vous étudiez. Ou bien, pas forcément exact. Comme par exemple, ils disent que la terre tourne autour du soleil. Ah, c'est vrai? Hein? Alors, qu'est-ce qu'ils disent? C'est pas vrai. Allah dit, Washam Sutajiri, les Mustaqalillah, le soleil court dans un orbite bien précis. Quand il dit, c'est le soleil qui est stable et c'est la terre qui tourne. Après, quand ils vont se développer, ils vont savoir que c'est le soleil qui bouge. C'est pas la terre qui bouge. Ça va? Hein? Dans tout ce qui est votre science là, qui contredit le Coran, nous prenons quoi? Le Coran. Parce que c'est Allah qui est le créateur des cieux et de là. Si lui dit, Wanzana minasama ima antahura, comment ça tu peux venir nous dire que souvent il y a l'eau qui descend, c'est assis. Qala sa'alat. L'imam Sa'alat, il dit, wa huwa ahad wa immatil lugha, c'est l'un des savants de la langue arabe. Il dit, At-tahur huwa at-tahir fi nafsi. At-tahur, c'est ce qui est pur en elle-même. Al-mutahir li ghayri, et qui purifie autre. C'est-à-dire l'eau qui descend des cieux, est pure en elle-même, et l'eau la purifie autre. Ça va? Wa kala qala az-Zuhri. Hein? Al-Azhari Hafwan, Rahimahullah, sort du kitab Tahzib al-Lugha. Celui qui a écrit le livre Tahzib al-Lugha, c'est le même, il a dit la même chose. Waqala ta'ala, et Allah le Très-Haut dit, wa yunazzilu alaykum min as-sama'i ma'an li tahhirakum. Allah vous fait descendre l'eau des cieux afin de vous purifier. Waqala falam tajidu ma'an. Si vous ne trouvez pas de l'eau, fatayammamu, faites la tayammu. Donc tout cela montre que l'eau, on l'utilise pour se purifier. Et Rasoul sera le samedi, Alma ou Tahou. L'eau est pure, là il y en a 10 ou chez. Rien ne salit l'eau. Wabariga a hadith Kathira. Plusieurs hadiths sont venus. Amara Figa Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a ordonné Bitatahir in Najasa Bilma. De purifier l'air, tout ce qui est sale avec de l'eau. Wa satati inshaAllah. Et on va voir cela. ونقل ابن رشيد ابن رشيد تكي رابط دي إجماع دي consensus même des savants على أن الماء كلو طاهر مطاهر l'eau est pure et purifiée c'est à dire l'eau elle est pure en elle-même et elle purifie autre voilà إجماع on va s'arrêter ici et bien là la semaine prochaine nous allons voir la parole du Mu'allim qui dit « La yakhrujuhu anil wasfay » L'eau ne sort pas de deux descriptions. Et on va voir ces descriptions. Ça va? Ces deux descriptions, c'est ce qu'on vient de voir. « Tahiru fi nafsi » Elle est pure. « Wa mutahiru » Le balayer. Ça va? Et puis aussi autre. Donc, « Subhanakallahu wa bihamdik » أشهد أن لا إله إلا الله وأستغفرك وأتوب إليك